un soir d'orage fait de prose mystique. Nous échangerons l'ultime, l'éclair unique. Nous rirons, je l'espère, en souvenir de lui, faisant fi du pervers de sa mégalomanie. En guise de solennel adieu, et alors gaiement, nous nous branlerons ensemble sur son testament. Oh non, il ne restera pas grand chose de ma petite personne. Des chansons de pacotis, quelques proses et de téléphone. Le reste de mes vrilles, quelques morceaux qui sonnent. L'argissement de quelques filles avant de trouver la bonne. Six guitares, une batterie et puis une voix monotone. Une sono, un titan et le souvenir d'un sexe énorme qui n'a guère servi, coulissant comme un trombone. Et dont je parle bien plus que je n'en use comme tous les hommes. On dira TMX, c'est pas le dernier pour la déconne. Mais des fois il saoule un peu avec ses tripes à la mode de camp. Avec ses idées mal placées du pénis au rectum et du rectum au pénis via le scrotum évidemment. Oui moi je donne un sens au mot du fils de mille serpents. Tantôt grave, tantôt gras, stupide et langue de pute. Mais le cul dans ma Clio, le cahier sur le volant. L'écriture de mon testament n'excédera pas 5 minutes. Et conscient que cela s'entend, le fils de mille serpents doit livrer ses rancœurs et sa colère de manière brute. Mais si tu cisèles son cœur à la manière d'un diamant. Bon j'arrête là, je n'ai pas de rime en mute. Pourquoi es-tu si mal poli? Celui de mes dernières volontés, mais je vous préviens les gars, Pierrot est missionné afin qu'elle s'exécute. Oui j'aimerais qu'on érige en hommage à ma bite une statue géante, place de la République. Et plus qu'un marbre blanc trop lisse et trop froid, j'aimerais que la statue soit moulée en plastique. J'aimerais que le 11 novembre soit le jour officiel où tout le monde pourra prendre un bain de cassoulet. À quoi bon célébrer la boucherie universelle alors que l'avenir me semble bien plus charcutier. J'aimerais aussi que le commandant Jacques Lemoine soit élevé au rang ultime de locataire de l'Elysée. Que Georges Brascor s'occupe du patrimoine au ministère de la Culture. Jean-Louis Printanier. Pourquoi es-tu si mal poli, si grossier et de surpoids? Toujours partant pour la gratuité de n'importe quoi. Ni queue ni tête encore une fois, mais tu n'y peux rien, c'est comme ça. Si tu te mords la queue et tout, quelquefois, l'étourdissement que procure ces rituels sombres et obscurs. Vulgaire prose qui propose l'alternative. Que j'ai nourri gracieusement de couleuvres indigestes. Moi monsieur choléra qui te traitait de peste. Moi je meurs dans tes bras et toi tu pries pour que je reste. Mais il a fait son temps le fils de mille serpents. À ma santé tu noieras ton chagrin dans l'ivresse. J'ai pourtant honoré le seul et l'unique serment. Mais mon testament ne fera pas de toi une princesse. Je ne lègue que les vers qui aujourd'hui me rongent. Mais j'élague le bois vert d'où fleurir mes mensonges. Épargnant les quelques branches ramificatrices. M'excusant si maladroit j'ai causé quelques cicatrices. Non il ne restera pas grand chose de ma petite personne. Des chansons de pacotis, quelques pros et de téléphone. Le reste de mes vrilles, quelques morceaux qui sonnent. L'élargissement de quelques filles.